chérie ne me quitte pas. J'ai pas le moral, plus le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. Ici la pluie fait de l'ombre au soleil, ne me quitte pas. J'ai plus le moral, pas le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. J'ai rien à t'offrir à part une oreille attentive. Dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà, un putain d'incendie. Non vraiment dis-moi ce que tu veux de moi, j'ai même pas un centime. Et dans ma tête c'est la guerre déjà. J'ai fait tout ce qu'il fallait, en vain. La pluie ne me quitte pas, j'ai beau essayer sans me plaindre. Le noir me va plutôt bien, je le croirai demain. Y'a que ça que je sais faire de bien, dans vos soirées je sais ce que faire le pantin. Épargnez-moi vos jeux enfantins. Ma chérie ne me quitte pas. J'ai pas de moral, plus le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. Ici la pluie fait de l'ombre au soleil, ne me quitte pas. J'ai plus le moral, pas le sommeil, t'es l'un de mes seuls espoirs. J'ai rien à t'offrir à part une oreille attendue. Dis-moi ce que... Ne me quitte pas, dernier titre de Mehdi que j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi ce soir. Nous sommes en direct. Il est 18h30. Auditeur, bonsoir. Tu es au bon endroit. Tu es sur Radio Gémozo. C'est parti pour une heure ensemble. Si tu as envie de poser des questions, eh bien, n'hésite pas. Hein. Tu appelles au 03 29 62 40 40. Tu attends que je lance un son pour pouvoir te répondre. On n'a toujours pas le budget pour que je recrute un assistant. Allez, plus sérieusement, eh bien, il est temps de te présenter mon invité. Salut. Mehdi. Salut, salut Lia. Comment bonjour tu à tous. Vas Ça va super, impeccable. Merci pour l'invitation. Ah bah c'est moi. C'est ça moi. Fait vraiment plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Je suis super contente que tu sois avec moi aujourd'hui et avec nos auditeurs, bien entendu. Yes. Merci beaucoup à toi. On vient donc d'entendre un tout petit extrait de Ne me quitte pas qui, entre parenthèses, eh bien, est en rotation sur les ondes de Radio Gémozo. Hein. Ah oui, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce que tu fais et pour merci ce beaucoup. Son. Et j'ai hâte de faire découvrir à nos auditeurs eh bien, tes autres morceaux. On l'écoutera en intégralité plus tard dans cette émission. Mais avant ça, eh bien, on va faire un petit tour du côté de ton parcours, Mehdi, si tu es d'accord. Ouais, avec plaisir. En même temps, t'as pas trop le choix. Je crois que je suis là pour ça. Hein. Alors pour ça, eh bien, j'ai besoin de ton aide, bien yes. entendu. D'où viens-tu? Qui es-tu? Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Mehdi. Hein. Ouais. Je viens d'Épinal, à la base. Ok. Et voilà, je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans, grâce à mon papa qui m'a fait découvrir la musique quand j'étais tout petit. Donc voilà, qui me passait des classiques de variété française, de rock. Voilà, j'ai ensuite continué avec Mauvaise Graine, ouais. donc qui était mon groupe. Et ensuite, me voilà en solo, pour mon projet solo. Et génial, voilà. À quel moment tu es tombé dans la grande marmite de la musique du coup? Donc vraiment enfant. Vraiment enfant, ouais. Dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à fréquenter les studios de Jeunesse et Culture, ah donc ouais Place d'Avrazard, ouais. Au pôle musique. Il y avait un génial. Pôle musique et j'ai commencé à faire mes premières instrumentales, commencé à écrire mes premiers textes et commencé à enregistrer mes premiers couplets là-bas. Waouh, super, ouais. Je savais pas qu'il y avait ça là-bas. Yes, ouais, ouais. Ça existe encore, ça? Malheureusement, non. Mince. Ça a fermé il y a de ça peut-être 5 ans, il me semble. Et voilà, c'était vraiment super et c'est vraiment dommage que ça ait fermé d'ailleurs. Alors le mec touche à tout, je vous mets tout de suite au parfum, auteur, compositeur, interprète de tes propres sons et également, tu l'as dit juste avant avec Mauvaise Graine, on ouais. vous embrasse tous. Ça continue pas trop du coup les projets avec la team Mauvaise Graine hein? Malheureusement non. Chacun est parti dans ses projets, et voilà, malheureusement non. Mais ce qui nous empêche pas de garder contact et de faire de la musique ensemble encore. Et voilà. Mais pour l'instant, petit break dans Mauvaise Graine. Eh bien, on vous encourage tous, en tout cas, à la team, et puis une bonne route à tous. Alors toi, tu fais ça, tout ça en autodidacte? Ouais. T'as jamais appris à faire quoi que ce soit? Jamais, j'ai pris quelques cours de chant quand j'étais jeune, du coup aussi à Jeunesse Culture. Mais sinon non, j'ai tout fait moi-même, j'aime bien voilà, toucher un peu à tout, être polyvalent, autant au niveau de la composition musicale que l'écriture de texte, que voilà. Ouais, ouais, tu composes musicalement aussi? Ouais, je compose, ouais, je fais mes propres instrumentales. J'écris mes textes et voilà. Et je réfléchis à mes clips aussi. C'est pas moi qui réalise encore mes clips, mais j'y réfléchis avec mon réalisateur. T'es une boîte à idées, quoi. Bah, apparemment. Comment tu définirais ta sonorité musicale? Parce qu'il y a un vrai mélange dans ce Bien que sûr. Tu fais. J'ai vraiment pas de style ou de nom vraiment. Je fais juste de la musique, je fais ce que j'aime. On pourrait apparenter ça à du hip-hop pop, je dirais. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est au public de décider et de me ranger ou pas dans une case. En bah tout ouais. cas, j'essaye de ne pas le faire moi et de me faire plaisir au maximum, quoi. Tu laisses toutes les portes ouvertes à c'est tes ça. Sons. C'est cool. Alors, tu étais régisseur à Nuit Blanche Productions, en plus de ton job, parce que tu ne vis pas encore de ta passion, on te le pas souhaite bientôt, un jour. Comment ça se concilie tout ça, le job, la famille, les projets? Ça doit être. C'était une grande course, hein, parce que j'avais beaucoup de choses. Là, ça va depuis l'arrêt du groupe et l'arrêt de Nuit Blanche, ça s'est un peu calmé. Mais voilà, c'était une course. J'imagine, ouais. Alors, un petit mot quand même sur Nuit Blanche Productions. Alors, Nuit Blanche Productions, c'est la société de mon réalisateur et de mon manager Maxime Manchon, ouais. qui réalise des clips vidéo, aussi des vidéos d'entreprise. C'est une société de réalisation audiovisuelle dans les Vosges. Ouais. Donc, pour tous ceux qui ont des projets vidéo à réaliser, je vous encourage à aller vers Nuit Blanche Productions parce que c'est vraiment des professionnels. Voilà. Super. Alors, toi, tu as pour le moment quelques titres dispo sur les plateformes ouais. d'écoute. Combien? Alors, pour l'instant, j'en ai 4. Ouais. Donc, il y a Elle m'a dit, Encore, Intervalle, Ne me quitte pas, qui ouais. sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Donc les grandes comme Spotify, Deezer, Apple Music et les moins connues, voilà, partout. Est-ce que c'est en vue d'un EP, d'un album, quelque tout chose? Tout à fait, je prépare un EP, j'ai pas encore de date, je me laisse le temps, ça fait pas longtemps que je suis en solo, que j'ai vraiment le temps pour moi, pour mes créations. Donc voilà, j'ai pas encore de date, mais j'y réfléchis, j'ai un projet d'EP en tête et je pense que je vais le concrétiser assez rapidement. Quoi. Dis-nous voilà. comment ça t'est venu, cette envie de te lancer en solo? Parce que c'est quand même pas pareil de faire partie d'un groupe. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas quoi le déclic? Après, j'ai toujours eu ce côté-là solo, où je faisais la part des choses entre le groupe. Donc je faisais les compositions pour le groupe, mais j'avais aussi des compositions à moi vraiment en solo. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu versatile, entre guillemets, ce côté un peu double. Mmh. Donc voilà, j'ai toujours eu l'envie d'être en solo. Quoi. Et à quel moment ça s'est concrétisé? À quel moment tu t'es dit, ça y est, là, c'est maintenant, on fait ça? Il n'y a pas eu vraiment de moment. C'est juste que... j'étais avec Max à la base et lui a super aimé certains de mes morceaux ouais. et a dit écoute, je vais t'accompagner sur ces morceaux là qui pour moi me plaisent beaucoup et c'était l'occasion là je pense de concrétiser, de faire un clip et d'y aller en solo quoi. Ok. Voilà. Est-ce que justement tu fais écouter tes sons un petit peu avant à certaines personnes pour qu'ils oui. valident ou non? Ouais, je fais écouter un peu à ma famille, je fais écouter surtout à Max. Ah ouais, qui, ouais. On bosse vraiment à Big deux. Up, Max. Ouais, Max. Ouais. On bosse vraiment à deux sur ce projet-là. C'est vraiment c'est mon directeur artistique, c'est mon manager, c'est un peu mon coéquipier quoi. C'est voilà. Mais sinon, ouais, à la famille, aux copains, j'essaie quand même de garder un peu les projets un peu secrets pour quand ça sort, avoir ouais. vraiment leur avis. La surprise. La surprise, c'est ça, tout ouais, à fait. C'est cool. Est-ce que tu laisses des gens un petit peu t'aiguiller sur ce que tu fais ou vraiment tu te mets vraiment dans ta bulle et tu continues à faire ce que toi tu veux faire? Alors, au niveau de la musique, je fais vraiment ce que moi j'ai envie de faire. Après, au niveau plus de l'image et ce genre de choses, j'aime bien avoir des conseils parce qu'on n'est jamais, jamais objectif sur ce qu'on fait, et même sur la musique d'ailleurs, mais plus au niveau de l'image, encore une fois, Max. Ouais. Max m'aide beaucoup sur ce côté-là, donc sur l'image que je veux avoir dans mes clips, sur toutes ces choses-là. Surtout sur l'image. Un petit coaching physiologique, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Mais des lunettes. Des avis, ouais, c'est ça, c'est voilà. Pas vrai. Mais c'est important, hein, c'est très très important d'avoir des avis. Hein. C'est génial. C'est primordial. C'est génial. Alors, tu as également fait des collabs, hein, notamment sur oui. Multicolore 2, le P de nos amis, Céluge Léon, gros bisous. Bah ouais, gros bisous, on vous embrasse fort. Yes. C'est une grande famille, la musique. Est-ce que tu as déjà fait des feats avec d'autres? Est-ce que tu t'investis sur d'autres projets? Ouais, j'ai fait un feat il n'y a pas longtemps avec Léodas, c'est un rappeur nancéen, il me semble. Ouais. Là, il y a bientôt un morceau, je sais pas si j'ai le droit de le dire, qui va sortir avec Hugo de Airplay. C'est pas vrai, ouais. Hugo, ça fait tellement longtemps. Yes, Hugo, le morceau est cool. Après, c'est plus des rappeurs un peu plus éloignés. J'ai un feat avec Matcha, ouais. C'est une rappeuse parisienne du label Believe Music. Qui est super, allez voir ce qu'elle fait. Elle s'appelle Matcha, c'est M-A-T-C-H-A. Yes. Elle est vraiment super. Donc voilà, il y a un feat qui sort avec elle. Et voilà, il y a d'autres collabs qui vont arriver dans pas longtemps. Comment ça se passe justement avec ces collabs? C'est des gens que tu connais déjà? C'est des gens que des fois tu contactes, qui te contactent? Alors, pour Célu Géléon, on s'est croisés sur des concerts, on s'est croisés sur Internet, on s'est croisés parce qu'on vient de la même ville. Ouais. Voilà, ça s'est fait comme ça pour les rappeurs locaux. Et Matcha, c'est sur les réseaux. Voilà, elle a vu ce que je faisais sur les réseaux. Ça marche souvent comme ça. Hein. Les gens me contactent via les réseaux, regardent ce que je fais, regardent mes clips et me proposent une collab. Ça doit faire plaisir, ça. Ah ouais, carrément. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'histoire de tes sons, mais avant ça, eh bien, ouais. On va en écouter un, justement. Ça roule. Et j'ai choisi Encore. Yes. Hein, ça fait, il est sorti il y a combien de temps, celui-là? Il est sorti, il me semble, il y a quelques mois. Je ne saurais pas dire exactement la date exacte, mais il me semble il y a 2-3 mois, je crois. Ouais. Un truc comme ça, ouais. On s'écoute ça? Yes, on y va. On se retrouve juste après, c'est parti. Encore un mégot pour ton cendrier, encore un dernier pour tout oublier. Ta vie un long métrage en noir et blanc, tout le monde trouve ça vraiment super chiant. Encore un mégot pour te rassurer, encore un dernier verre pour bousiller. Ta vie une série VO sous-titrée, tu te forces quand même si ça te fait chier. T'as le même problème toi, t'as le même problème que des millions. T'as le même problème toi, t'as le même problème que des millions. Tu continues encore. Encore. Allez, encore en verse. Encore. Allez. Toi t'en veux encore. Encore. Encore. Encore. Ta vie est dure, t'es pas le seul. T'as plus de taf, plus de meuf, t'as le seum. Je comprends, mais y'a bien pire, en es-tu conscient? Ta vie est dure, mais n'a plus de sens. Tu erres sans but dans les rues de France. Je comprends, mais fais preuve d'un peu d'intelligence. J'ai envie de te casser le nez. Un mec comme toi dans cet état, c'est du gâchis. Je me rappelle encore du temps où t'étais agile, quand t'avais pas besoin de ça pour être happy. J'ai envie de te casser les deux jambes, pour que plus jamais t'ailles en acheter. Mais je vais pas le faire, j'ai peur de t'achever. C'est ça, cache-toi, prends tes cachets. Tu continues encore. Encore. Encore. Toi t'en veux encore. Encore. Encore. Encore un mégot pour ton cendrier, encore un dernier pour tout oublier. Ta vie un long métrage en noir et blanc, tout le monde trouve ça vraiment super chiant. Encore un mégot pour te rassurer, encore un dernier verre pour bousiller. Ta vie une série VO sous-titrée, tu te forces quand même si ça te fait chier. T'as le même problème toi, t'as le même problème que des millions. T'as le même problème toi, t'as le même problème que des millions. Ta vie est dure, ta drogue aussi, y'a seulement ton addiction qui grandit. Je comprends pas, t'étais le même que nous depuis le départ. Ta vie est dure, ta tête aussi, arrête de mentir, on le sait tous ici. On comprend pas, t'étais le même que nous depuis le départ. J'ai envie de te casser la bouche, un mec comme toi dans cet état c'est du gâchis. T'es qu'un esclave, un junkie, une épave, et le pire c'est que t'es l'un de mes amis. J'ai envie de te casser les deux bras, pour plus jamais qu'on ait ce débat. Pour plus jamais que t'aies à te débattre, quand les infirmes viennent t'embarquer. Vous venez d'écouter encore de mon invité d'aujourd'hui, Mehdi. Merci encore à toi d'être ici. Merci à toi, Lia. Je suis super contente de te rencontrer. Moi, ça fait longtemps que je te suis. Okay. Hein, je t'avais vu sur scène avec la team et franchement, t'envoies du lourd. Cool. T'as vraiment un truc particulier et je suis sûre que moi, j'ai le nez, tu sais. T'as le pif. Ouais. Bon, ça va. Je te remercie. Merci beaucoup. Moi, ça me fait super plaisir d'être ici. Ça fait longtemps aussi que j'entends parler de la radio et et voilà, fallait que je vienne, avec ou sans le groupe. Moi, je suis contente que tu sois là. Yes. Donc, tu as plusieurs titres qui ont d'ailleurs été pour certains clippés, comme Encore, qu'on vient d'entendre. Alors, comment ça se passe, les clips? On veut savoir la face cachée, nous, tu sais. La face cachée, les coulisses. Alors, les clips sont réalisés par Maxime Manchon, encore une fois, de Nuit Blanche Productions, et sont réfléchis et pensés par nous deux. Okay. Voilà, donc on se pose chez lui, typiquement, on se pose chez lui, on prend une feuille et on se dit, voilà, on écoute les morceaux, on se dit à quoi on pense pour telle scène, pour couplet, pour refrain, pour, voilà. Ok. Et on pense tout de suite à des choses, on les met sur papier, après on détaille et voilà. Waouh, c'est génial. Après, ouais, et après il y a la recherche de comment dire, de figurants qui est super importante. Et d'ailleurs, gros big up à Mathis, Mathis Demange, son blaze c'est Tisma, donc c'est l'acteur de Encore. Ok. Et qui fera partie aussi du chapitre 2 parce que ça va être une trilogie en fait. D'accord. Voilà, je le dévoile, ça va être une trilogie en trois chapitres. Ok. Et Mathis sera l'acteur de ces trois chapitres-là pour garder une continuité en fait dans l'image de ce projet-là. Ouais, génial. Voilà. Tu fais quoi? Tu fais un petit casting pour... ça m'est arrivé de faire des castings, mais la plupart du temps, on sait ce qu'on veut et on a des gens super talentueux autour de nous qui répondent absolument bien aux critères. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Combien de temps ça prend pour clipper un son? Ça dépend. Intervalle, on a mis une journée. Ah ouais? Une journée. Encore, on a mis, trois jours, il me semble. Ah ouais. Complet, hein, trois jours complets. Waouh. Donc ça dépend vraiment du projet, ouais. Ça dépend s'il y a une story, s'il y a une histoire vraiment dans le clip ou si c'est vraiment un freestyle. C'est, voilà, ça dépend du projet. Tu prends des gens du coin pour collaborer avec ton image? Ouais, tout à fait. Mathis, qui est du coin, c'est un Vosgien. Il est télégérie de CCV. Pour ceux qui connaissent le magasin CCV. Ah. Voilà, c'est vraiment... Je tiens à prendre des gens du coin parce que, voilà, il y a de belles jeunes filles et de beaux jeunes hommes dans le coin qui mériteraient d'être mis en avant. Et voilà. D'ailleurs, je pense qu'on va collaborer avec Mélodie Gaulle, Gaulet. Je sais pas comment on dit. Gaulet, voilà. Je crois, ouais. Je l'ai contactée il y a pas longtemps et on va collaborer sur un clip très très bientôt parce qu'elle est vraiment très très très très forte. Très talentueuse. Donc, voilà. Danseuse, Mélodie, c'est vraiment... Ouais, super elle forte. Elle envoie du lourd. Alors, avec qui t'as enregistré tes morceaux audio? Avec moi-même. J'enregistre tout dans ma chambre. C'est pas vrai. Ouais, tout seul. J'ai un home studio dans ma chambre. Non. Ouais, et j'enregistre tout. Donc, je te dis que je fais tout de A à Z, pour la partie audio, je fais tout de A à Z. Okay. Ça a été mixé par Maxime Manchon, masterisé par Maxime Manchon, enregistré par moi et composé par moi. Est-ce que tu dors? ça m'arrive des fois, ça m'arrive entre deux, trois prises audio, ouais. J'essaye. Alors, on parle beaucoup de Maxime, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'entourent, qui collaborent avec toi sur ce projet? Eh bien, écoute, j'ai beaucoup d'avis de ma famille, mais sinon, à part ça, on est vraiment deux sur ce projet-là. Mathis nous épaule pas mal aussi en termes d'avis, en termes de tout ça, parce que voilà, c'est un figurant des clips. Mais, mais sinon, non, on se débrouille vraiment, nous deux, en tout cas pour l'instant. Waouh, c'est impressionnant. Et s'il y en a qui veulent rejoindre l'aventure pour quoi que ce soit, pour du booking ou pour n'importe quoi, on est preneur, quoi. Eh ouais. S'il y a des motivés. Ok, bah on note. Yes. On note. Un jour, tu auras trop de monde qui voudront collaborer avec toi. C'est pas grave, je trouverai une place à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Alors, on reparle de tes sons. Lequel tu préfères, si tu peux choisir? Lequel je préfère? C'est difficile à dire parce qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc que j'ai écouté moins souvent que les autres. Ah ouais? Ne me quitte pas, je l'ai écouté moins souvent. Et quand on écoute beaucoup une musique, on a tendance à l'apprécier moins bien que ce qui est frais en fait. Ouais. Mais je dirais quand même Elle m'a dit. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des sonorités variétés françaises que j'adore beaucoup. Parce que c'est un texte qui me tient à cœur aussi. Ouais. Et voilà, pour ces raisons-là. Ouais. Ok. Alors, on ne peut pas zapper cette question. Il y a peu, on vivait le confinement. Artistiquement, dans ta créativité, ça a changé quoi ? Écoute, pas grand-chose, parce que je bossais et je bosse actuellement tous les jours sur mes morceaux. Et ça n'a pas changé grand-chose. J'étais en télétravail, parce que j'ai aussi un travail à côté. Ouais. J'étais en télétravail et ça n'a pas changé grandement mes habitudes, en fait. Hein. Ok. Parce qu'à chaque fois que je termine le travail à 17h30, je rentre, je fais de la musique. Waouh. Ou alors je suis en radio avec toi. Voilà. Fais gaffe, le dis pas trop vite, je vais te prendre tous les soirs après. Il n'y a pas de problème, pas de souci. J'adore être en radio, franchement, c'est un bel exercice. Ouais, c'est cool. C'est vrai. Et qu'est-ce qui t'inspire pour écrire ? Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une simple discussion avec un ami sur ce qu'il a vécu. Ça peut être les choses que je vois quotidiennement. Ça peut être des faits que je vois aux informations ou ce que je vis moi directement. C'est, voilà, je m'inspire vraiment de faits réels, par contre. Ouais. Voilà. Il y a des causes qui te parlent plus que d'autres ? J'aime beaucoup parler d'amour. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Ça j'avais remarqué. Ouais, ça. Ouais. J'aime beaucoup parler d'amour. J'ai été marqué par plusieurs relations. Ouais. Et il y a aussi tout ce qui est dépendance à la drogue et ce genre de choses qui me touche particulièrement parce que j'ai eu beaucoup de gens dans mon entourage qui sont malheureusement tombés là-dedans et voilà, ça me touche par rapport à ça. Ouais. Ouais. Ok, donc la drogue, l'amour, de quoi ça parle d'autre, tes sons ? J'aime bien aussi faire des freestyles, ouais. C'est-à-dire parler de moi. Faire des ego trips en fait, ça se fait beaucoup dans le milieu du hip-hop. C'est en gros se vanter soi-même en fait. Ah ouais. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment pour rigoler. Il faut vraiment le prendre deuxième degré. Hein. Il y a aucun. Voilà. C'est vraiment du deuxième degré. J'aime bien aussi les faits de société. J'aime beaucoup aussi parler de discrimination. Il y a eu le Black Lives Matter il y a pas longtemps. Qui était très important, donc voilà, c'est ce genre d'inégalité, c'est des choses qui me marquent, mais j'attends de le faire bien, oui. De le faire super bien, parce que c'est des thèmes qui sont pour moi très très importants, et auxquels on doit porter beaucoup d'importance, donc voilà. Oui, il ne faut pas se louper dans les mots. C'est quoi. Ça, tout à fait. Okay. Je préfère faire quelque chose de propre, quitte à attendre un peu, et faire des thèmes un peu plus légers avant. Ok. Voilà. Quand tu te tapes des ego trips, tu te définis comment ? Moi, j'aimerais bien savoir, tiens. Ouais, mais je vais paraître prétentieux après, c'est ah pas bah cool. C'est pas grave. Après, les gens ne vont retenir que ça de moi. Et surtout auditeur et autodérision, voilà, en deuxième degré. Tout à fait, deuxième degré. J'aime bien dire que je suis le meilleur, j'aime bien dire que c'est ça en gros, hein, l'ego trip, c'est dire voilà, je suis le meilleur rappeur des coins et voilà, mais c'est vraiment voilà, sans ouais. Avec toute modestie, hein. Vraiment, je suis pas comme ça. C'est facile d'avoir confiance en ce qu'on fait quand on fait des projets solo comme ça. C'est très difficile parce que les retours ne sont pas là tout de suite. Ouais. Parce qu'évidemment c'est un nouveau projet, donc c'est très difficile. Après j'ai confiance en moi musicalement parce que grâce à Mauvaise Graine aussi beaucoup. Ouais. Vous avez fait beaucoup de scènes quand on même. On a fait beaucoup de scènes, hein. On a fait des fois on a fait des 40 scènes par année. Ah ouais, ça tournait pas mal, ça tournait beaucoup. Donc voilà, merci à Mauvaise Graine, merci à mes potes de Mauvaise Graine aussi de m'avoir apporté tout ça. C'était vraiment une chouette aventure et voilà, ça m'a appris beaucoup. Moi, j'aimerais bien m'intéresser à tes compos musicales. Ouais. Est-ce que déjà, tu poses le son avant les paroles ou est-ce que tu fais l'inverse ou est-ce qu'il n'y a pas de règle au final ? Alors, moi, je travaille généralement beaucoup sur une boucle que je fais au clavier. Ouais. Donc, c'est-à-dire une boucle de clavier qui tourne et j'écris dessus. Okay. C'est comme ça que je compose. Je compose jamais a cappella et sans musique. Il me faut toujours quelques accords derrière pour composer. Ok. Ouais. Mais comment ça devient ces idées musicales ? Comment tu poses les notes justement ? C'est fou. Tout dépend de mon humeur en fait. Il y a des fois où voilà, je me sens un peu triste et je vais jouer des choses tristes. Mais voilà, c'est tout dépend de l'humeur et de mon humeur. Ouais. Ok. On reste du côté de l'inspi. Le petit Mehdi, il écoutait quoi comme artiste ? Lequel le faisait rêver ? Lequel le faisait rêver ? Ouais. Bah là, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Stromae. Ah ouais ? Ah ouais. Je suis un très très très grand fan de Stromae et je pense que ceux qui me suivent le savent bien. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui m'a choqué, vraiment. Pourquoi ? Vraiment choqué. Dans son image, dans son approche de la musique, dans le fait qu'il ait révolutionné vraiment, dans son style en tout cas, dans la house et dans le hip-hop là. C'est vraiment quelqu'un, surtout son image, enfin c'est un tout, c'est vraiment un tout. C'est même humainement, en tout cas dans ses interviews et dans ce qu'il projette comme image, c'est vraiment quelqu'un qui moi me... m'a époustouflé. T'as déjà été le voir sur scène? Jamais, c'est un très grand regret pour moi parce maintenant c'est un peu chose, là. C'est un peu difficile, ouais, il est tombé dans une grosse dépression. Ouais. Dont il s'est pas relevé encore, je pense. Donc dû à la notoriété peut-être. Oui, c'est ça, ouais. Mais il tournait à 4 concerts par semaine. Hein. Ah, donc ouais. Quand même c'était ouais. C'était assez difficile, donc voilà, ouais, mon plus grand regret je pense musical, c'est de pas l'avoir vu sur scène. Okay. Après, j'ai d'autres artistes que mon papa m'a fait découvrir quand j'étais petit. Ouais. Parce que mon papa est un très très grand fan de musique, surtout de variété française. Donc Claude Nougaro, Brel, Brassens. Ah ouais. Un amoureux des mots, quoi. Carrément, ouais. Mm. Un amoureux du karaoké aussi. c'est le genre de personne qui peut passer sa soirée à faire des karaokés tout seul chez lui. C'est pas vrai. Mais il est bien, il est heureux comme ça. Donc voilà. Gros bisou à mon papa d'ailleurs. Du coup, ça t'a amené quand même cette culture du mot pour écrire, etc. Carrément, clairement, ouais. Ouais. Clairement. Mon père m'a toujours fait écouter des musiques à texte. Donc voilà, c'est de là que je pense que je tiens la plume que j'ai aujourd'hui. Ouais. Combien de temps tu mets pour composer un titre ? Tout dépend, c'est comme les clips. Ouais. Tout dépend vraiment, je peux passer de... Voilà, ça peut durer 2 heures à écrire un morceau complet. Par exemple, Ne me quitte pas, pour la petite anecdote, j'ai dû mettre une heure et demie à l'écrire. C'est vraiment. Pas vrai. Ouais, ça allait vite. Vite. Et c'est souvent les morceaux qui marchent le plus, où voilà, on trouve tout de suite le truc, la finalité du morceau, l'arrangement, donc c'est-à-dire la structure du morceau. Ouais. C'est souvent les morceaux qui plaisent le plus et qui marchent le mieux. Okay. En tout cas pour moi. Hein. On va écouter Elle m'a dit. Ouais. Ça parle de quoi vraiment cette. Alors Elle m'a dit, ça parle d'une fille qui m'a dit que voilà, que j'allais la perdre si je continuais à ne plus m'intéresser à elle et à la délaisser. Oh, voilà. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil, ouais, c'est pas bien. Bon. C'est pas bien. C'est pas grave, on la remercie parce que du coup tu fais des super gros, carrément, gros sons. On la remercie. Hein. Donc on écoute ça tout de suite et yes. On se retrouve juste après. Ça roule. Elle m'a dit je ne t'attendrai pas longtemps. Elle m'a dit aime-moi fort autant qu'il est temps. Elle m'a dit sois un homme, cesse d'être un enfant. Elle m'a dit tout ça mais moi je ne l'entends pas. Elle m'a dit je ne le vivrai pas longtemps. Elle m'a dit sois un homme, t'es plus un adolescent. Elle m'a dit faut qu'on parle, mais je déteste quand elle dit ça. Et comme toujours je pars loin seulement quand ça ne va pas. Elle m'a dit j'ai fait des efforts à prouver mes torts. J'ai soigné tes blessures encore et encore. J'ai même fait le psy quand tu me parlais de mort. Tu voulais de l'argent, je t'ai ramené de l'or. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu longtemps que le problème se tasse. À croire que t'aimes ça quand les choses se cassent. À croire que t'aimes ça de tout, tu te lasses. Tu finiras seul, seul comme toujours. À promettre ton amour pour toujours. Pour la chair, pour un coup de temps. Soir, tu finiras seul un beau jour. Elle m'a dit je ne t'attendrai pas longtemps. Elle m'a dit aime-moi fort autant qu'il est temps. Elle m'a dit sois un homme, cesse d'être un enfant. Elle m'a dit tout ça mais moi je ne l'entends pas. Elle m'a dit je ne le vivrai pas longtemps. Elle m'a dit sois un homme, t'es plus un adolescent. Elle m'a dit faut qu'on parle, mais je déteste quand elle dit ça. Et comme toujours je pars loin seulement quand ça ne va pas. Elle m'a dit est-ce que t'as fait des efforts zéro? C'est pas la peine de me ramener des roses. Pour tes connards de potes t'es un héros, mais pour moi t'es qu'un putain de blaireau. Elle est hors de ma vue, des infertates dans le coin de la rue. Comme toutes ces filles à qui t'as chopé de nume. Tu mérites de mourir, de pourrir, de souffrir, de périr, de vieillir mal. Rendez-vous au tribunal et t'oublieras pas de me rendre ma maille. Je t'ai aimé, je t'ai haï, j'ai failli te tuer. Il était temps que tu t'en ailles. Elle m'a dit je ne t'attendrai pas longtemps. Elle m'a dit aime-moi fort autant qu'il est temps. Elle m'a dit sois un homme, cesse d'être un enfant. Elle m'a dit tout ça mais moi je ne l'entends pas. Elle m'a dit je ne le vivrai pas longtemps. Elle m'a dit sois un homme, t'es plus un adolescent. Elle m'a dit faut qu'on parle, mais je déteste quand elle dit ça. Et comme toujours je pars loin seulement quand ça ne va pas. Elle m'a dit encore un titre de mon invité d'aujourd'hui, Mehdi, encore un titre qui cartonne bien quand même. Merci beaucoup. Ouais, franchement, c'est merci. Super. Est-ce que pendant ta scolarité, t'écrivais déjà des textes ? Oui, beaucoup. Depuis que j'ai 8 ans, en fait, j'ai commencé mes premiers textes. Ah ouais ? Ouais, mes premiers textes. C'était pas glorieux. Hein. je pense que si on les ressort, on va se moquer de moi. Est-ce que tu les relis des fois, tu sais, pour voir le chemin parcouru depuis ? Je les ai. Bah, en fait, j'ai gardé des traces vidéo de ça, donc, et des traces audio, donc ouais, on s'amuse des fois à les remettre et à se moquer de nous-mêmes. Il y a des casseroles. Ouais, il y a des casseroles, ouais. Mais ouais, sinon depuis l'âge de 8 ans et pendant toute ma scolarité, j'ai continué à écrire, et même en cours, mais c'est pas bien, il faut écouter les cours, les amis. T'as pas eu envie justement de pousser un petit peu ta scolarité vers l'axe musical ? J'ai voulu, mais malheureusement, mes résultats n'ont pas été à la hauteur. Il faut travailler, les enfants. Si vous m'écoutez, s'il y a des enfants qui m'écoutent, il faut travailler. C'est important. Ouais. Pour faire, même dans la musique, pour faire ce que vous voulez, même dans les domaines artistiques, c'est très important d'avoir des bons résultats, notamment en troisième, en sortie de collège. Et voilà. Il n'y a pas vraiment que le talent, quoi. Non. Il y a aussi beaucoup de travail. Hein. Il faut pas croire que c'est seulement le talent et que c'est inné et que pas du tout. Hein. Moi, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je fais de la musique et j'en fais tous les jours. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai ce niveau-là maintenant, quoi. Et puis, c'est pas fini. Je pense que voilà, si on te revoit d'ici quelques années, t'auras encore... Espérons, hein, j'espère en tout cas. En tout cas, je vais tout faire pour progresser encore plus que maintenant. Les profs, les copains, ils étaient au courant de tout ça ? Oui, bien sûr. J'ai toujours été en fait l'animateur de la classe ou le chanteur et voilà, le saltabanque. Voilà. Est-ce que t'en revois parfois quelques-uns ? De mes profs ? Ouais. Ça m'arrive d'en recroiser quelques-uns. T'imagines un mec derrière la scène, mais dis, en fait, tu te Mais j'ai déjà vu mon prof de sport devant moi, ouais. Notamment au Festilac. Ouais. J'ai vu mon prof de sport, monsieur Marc. Ouais, génial. Du collège Saint-Exupéry, qui dansait devant mes chansons et je pense qu'il m'a pas reconnu. Pas vrai. Je pense pas, parce que j'avais la grosse barbe et tout. À l'époque, j'avais pas de barbe. Ouais, c'est mieux. Mais c'était rigolo de le voir s'ambiancer devant. Voilà. Ça doit être impressionnant quand même. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Est-ce que les gens y croyaient déjà en toi quand t'étais petit, ou est-ce que là, t'as l'impression d'avoir pris une vraie revanche, tu sais, sur. Non, j'ai toujours eu l'impression, et heureusement d'ailleurs, que les gens... J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un engouement en fait autour de moi. Ouais. Dès le collège, en fait, dès que j'ai commencé à chanter, j'ai toujours eu tout de suite des gens qui m'ont soutenu et qui m'ont dit « Voilà, ouais, c'est cool ce que tu fais. » Même si c'était pas glorieux, encore une fois, hein, à l'époque. Donc, pas de parcours musical dans ta scolarité. Est-ce que quand même, à un moment donné, t'as pris des cours de chant, de diction pour arriver à... Alors, j'ai toujours, dans le pôle musique à Jeunesse et Culture, ouais. Il y avait des intervenants, dont Jérémy Delettre, c'était un prof de chant. Et j'ai pris quelques cours de chant avec lui, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, vraiment. Comment t'es arrivé à ce pôle culture, justement ? Alors ça, c'est grâce à mon cousin Yacine, qui d'ailleurs fait du son. Yes. Son nom, si vous pouvez le retrouver, il s'appelle Le Hood. Ouais, vas-y, comment donc, ça s'écrit ? Donc Le comme Le, L-E, ouais. Et Hood, H-O-U-D, il me semble. Ouais. Donc il fait du rap, voilà, du hip-hop sur la ZUP. Ouais. Voilà, donc c'est grâce à ce cousin-là, en fait, qui m'a fait découvrir ce pôle musique. Et j'ai pu quitter ce pôle. J'ai d'ailleurs fait mon service civique là-bas. Ah, génial. Ouais, ouais. Super. J'ai fait un service civique là-bas. Où j'étais animateur, ouais. De ce pôle musique là et voilà, je l'ai plus jamais quitté jusqu'à la fin, malheureusement. Okay. Ouais. Bon, bah, j'espère que, enfin, il faut que ça existe, des structures il faut qu'il y ait plus d'initiatives de ce genre, je pense. Bah et oui. Ça évite aux jeunes de traîner dehors et de faire n'importe quoi. Et ouais, en tout cas, nous on l'a vécu comme ça, hein. Au lieu de traîner dehors à rien faire et à faire des bêtises pour s'occuper, en fait, et bon, on allait là-bas, on écrivait des textes et voilà. Et gros big up à Eric Clausson. Eh ouais. Parce que c'est lui qui a été à l'initiative de ça. Eh ouais. Il a été directeur longtemps de cette structure-là. Et voilà, merci à lui et merci à tous les intervenants qui ont permis que ce genre de projet existe, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, un jour, ça te dirait de guider un peu des enfants, des jeunes vers ça ? J'ai déjà eu des propositions qui m'ont été faites. Malheureusement, avec le travail, j'ai une vie pas mal remplie et malheureusement, je peux pas libérer plus de temps là, mais j'ai eu beaucoup de propositions dans des écoles, dans ce genre de choses, et ça me plairait beaucoup plus un peu après, je pense, de faire ce genre de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aux jeunes voilà, que t'accompagnerais ? De s'amuser, de s'éclater. Je pense que c'est la première des choses. Quand tu fais de la musique, tu fais pas de la musique pour percer, tu fais pas de la musique pour devenir une superstar. Tu peux l'avoir dans un coin de ta tête, mais la première des choses qu'il faut que tu te dises, c'est que voilà, fais-toi plaisir. Oui, il faut de l'humilité aussi. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Après, il faut avoir des rêves. Hein, c'est très important d'avoir des buts et des rêves. Mais avant tout, il faut se faire plaisir. Et c'est la chose la plus importante, à mes yeux. Carrément, carrément. Alors, Mehdi, c'est le moment intime de l'émission. C'est le moment des confidences. Alors, surtout, n'aie pas peur, quoique. J'ai peur, je vais partir, Lia, là. Mais non, reste. Je t'ai préparé une petite liste de questions, histoire de te cerner un petit peu mieux. Ok. Alors, Mehdi, quelle est la première chose que tu fais le matin au réveil? Je prends mon téléphone. C'est bon. Je regarde mon téléphone. Pour pour regarder l'heure, pour checker mes DM, pour regarder mes notifs. Ouais, je pense que c'est la première chose que je fais. Ouais, t'es vachement alerte sur ce qui s'est passé. Ouais, je suis un addict du téléphone, c'est pas bien, hein, des nouvelles technologies. Et puis en plus, quand t'es visible sur les réseaux, c'est un petit peu un cercle vicieux. Bien sûr, mais c'est une drogue. Hein. Ouais. Mais moi, je suis addict, hein, vraiment, à ce truc-là. Ouais. Bon. Je le vois. Instagram m'a eu. Une petite cure de désintoxication. Oui, il faudrait, je pense. Je pense que je vais prendre une ou deux semaines sans réseau, sans rien du tout. Ouais, gare au burn-out quand même. Hein. Non, ça va aller. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui serais-tu? C'est très dur comme question, ça. Tu as le temps de répondre, pas de panique. Je dirais Stromae. Ouais, je m'en doutais. Ouais, je dirais Stromae, mais pas à cette époque-là, hein, pas en 2020. Stromae en 2018 ou en 2016, plutôt. Ouais, j'aime beaucoup ce monsieur-là. Ouais. Peut-être qu'un jour tu le verras sur scène. Peut-être. J'espère. Est-ce que t'as déjà rencontré des artistes que tu kiffais vraiment et... Alors, petite anecdote, avant d'avoir Mauvaise Graine, j'étais dans un groupe qui s'appelait Shakedown Baby Rec. Ah ouais? Ouais, et c'est un groupe que j'ai eu avec Maxime Manchon. Encore? Et on a... Ouais, mais encore lui. Quand ça fait longtemps, hein. ça fait au moins peut-être 10 ans de ça. Ouais. Et on a fait la première partie de Section d'Assaut quand même, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Et de 1995. Waouh. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool. Génial. Et donc on a pu rencontrer Maître Gims, on a pu rencontrer Le Fa et quelques autres membres de la section. Super. Donc c'était cool. Est-ce que tu as pu échanger avec eux? Un petit peu. Après ils nous snobaient un peu. Ouais. J'avais l'impression en tout cas. Mais on a pu échanger quand même et discuter un peu. C'est un univers particulier quand même, hein, quand tu deviens vraiment visible, quand tu as de la notoriété. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc qui te fait peur, ça, justement? Si, on parle de dépression avec Stromae, la grosse tête avec Maître Gims. Ça me fait peur. J'ai peur, la célébrité fait peur en fait, parce que, bon, après, avec toute modestie, hein, j'ai peur de devenir célèbre pour beaucoup de raisons, pour le fait qu'on soit épié partout, pour le fait de devoir toujours surprendre, de devoir toujours sortir des choses qui défoncent. Il y a aussi cette compétitivité vis-à-vis des autres. Chanteurs, des autres rappeurs. C'est plein de choses qui font peur, quoi. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet, ça. Ouais. Cette histoire de concurrence entre les artistes. Ouais. Est-ce que localement, ça existe, ça? Non. Ah. En tout cas, moi, je le vis pas du tout comme ça, localement. Peut-être que certains sont en concurrence avec d'autres personnes, mais en tout cas, moi, non. Okay. Je collab avec tout le monde, il n'y a vraiment aucun problème. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi. Cool. Si tu étais un instrument de musique, tu serais lequel? Guitare. Ouais. Sans hésitation. Parce que je joue de la guitare. Ouais. Mais t'as appris tout seul encore? Tout seul, ouais, autodidacte. Je me suis mis des tutos sur YouTube. Très important, les tutos sur YouTube. Il y a vraiment trop de choses sur Internet maintenant. On a la chance d'avoir Internet, c'est un outil de fou. Hein. Ouais. Mais pourquoi? Pour que ça soit dans n'importe quelle pratique, hein, vraiment. Vous pouvez tout faire avec Internet, tout apprendre. On entend un peu de guitare dans certains de tes sons, et c'est toi qui joues? Dans El Madi, non. Non, dans les derniers morceaux en solo, non. Par contre, sur les titres de Mauvaise Graine, notamment Life is Not Complicated, c'est moi qui ai joué cette gratte-là. Ouais. Ah ouais? Ah, quand même. Ouais. Si tes amis écrivaient ta biographie, quel en serait le titre? Oh là là. Je sais pas. Oh, c'est dur. Quel en serait le titre? Ouais. Un destin incroyable. Je rigole. Je sais pas. Trip. Je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi. Ok, ça marche. Dis-moi qui ils sont et je te dirai qui tu es. Alors, je pense que j'en connais au moins un. Quel objet se trouve sur ta table de nuit? Le téléphone, déjà. Le téléphone. Ouais. Mais j'essayais de trouver autre chose de plus original, en fait, parce que j'en ai déjà parlé. Allez, je dirais un stylo et une feuille. Ah ouais? Ouais. Genre pour l'écriture. Voilà. Tu te réveilles des fois la nuit et boum. Bah, peut-être pas la nuit, mais le matin, j'aime bien écrire. Ouais. Quand je suis en congé le matin, j'aime bien écrire. Il y a des moments propices justement à l'écriture. À l'écriture, souvent le matin. Moi, j'ai beaucoup de j'aime bien le matin. Ouais. Je sais pas. Je prends mon café, je me mets sur mon ordi et les idées fusent. Ouais. Ouais. Mmh. Est-ce que t'as toujours un petit stylo et une feuille dans ta poche au non, cas où? Non, mais j'ai mon téléphone. Ah. Bah bien voilà. Sûr. Mais voyons. Mais oui. Quelle on fait question. Tout avec un téléphone. Ah, voilà. Comment tu te vois dans 10 ans? J'espère vivre de la musique. J'espère toujours me faire plaisir avec la musique. J'espère combler ma famille de tout ce qu'on a besoin dans une vie, donc d'argent et voilà. Okay. Ouais, je me vois vraiment. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique ma vie et je pense que je passerai ma vie à concrétiser ce rêve. Ouais, c'est beau ça. Ouais. C'est beau. Yes. Déjà tout petit, tu te voyais artiste, chanteur. Apparemment, on m'a raconté qu'à 4 ans, petite anecdote encore, qu'à 4 ans, j'allais dans les mariages et je prenais mon petit darbuka, donc c'est un ouais, tam-tam en fait, ouais, un petit tam-tam, et j'allais dans les cuisines et je faisais de la musique aux femmes justement qui faisaient à manger pour ce mariage-là. Donc ouais, je pense que j'ai toujours eu ça dans le sang. Ouais, un c'est peu, ouais. Chouette. Ouais. T'as jamais pensé à faire du théâtre, tout ça? Comment t'as apprivoisé la scène? Parce que c'est un exercice très compliqué. Très difficile. Moi, j'en ai chié, si je peux me permettre. Ouais. J'ai commencé pareil, avec Jeunesse et Culture. Donc Jeunesse et Culture avait organisé des premières scènes. Donc voilà, tout timide au début, on ne bouge pas, vraiment stressé. Et puis après, au fil du temps, au fur et à mesure des scènes, on est un peu plus à l'aise, on s'habitue, et puis voilà, on prend plaisir en fait. Parce que moi, la scène, c'était vraiment un plaisir, et ça l'est encore. Hein. Ouais. C'est vraiment un plaisir pour moi, je prends trop de plaisir. Encore plus qu'en studio, hein. Je préfère la scène au studio. C'est vrai, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est la créativité ou la scène. Là, non, c'est la scène, quoi. Ouais. Bah après, c'est les deux, hein, parce que j'aime bien les deux, mais si je devais en choisir qu'un, ouais, c'est la scène. Puis en plus c'est super différent avec Mauvaise Graine, vous étiez plusieurs sur scène là. Ouais. Quand t'es tout seul c'est super différent. J'en ai fait les frais j'ai chanté là samedi dernier. Ouais. À Cartel, donc pour gros big up à Cartel d'ailleurs, c'est un label nancéen qui organise des trucs de fou dans la région, donc ils m'ont gentiment invité à leur scène. Je ne devais faire que 15-20 minutes, et je suis resté 45 minutes sur scène. C'est pas vrai. À improviser, à inviter des rappeurs, donc c'était super. Wow. Donc ouais, j'en ai fait les frais un peu, parce que avec Mauvaise Graine, il y avait des musiciens, je pouvais communiquer avec eux derrière moi. Là, c'est un peu plus difficile, mais l'exercice est cool aussi, et j'adore, ça change pas en fait, ouais. Ça change pas, j'adore la scène. Ouais. L'impro, c'est un truc que tu gères alors? Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup l'impro. Ouais. C'était pas prévu du tout, donc voilà, on m'a dit, voilà, tu montes sur scène. On va faire un open mic, donc voilà, les rappeurs viennent, chantent, et j'ai dû animer ce truc là ça s'est fait spontanément et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, c'est trop bien. Mais c'est très fort, hein, l'improvisation. Ouais, hein. J'adore ça. Tout le monde ne peut pas le faire, hein, quand même, hein. Ça s'apprend. Ouais, bien sûr. Bon. Moi, c'est grâce aux années d'expérience que j'ai acquéries avec Mauvaise Graine que je peux me permettre ce genre de choses, donc c'est de l'expérience. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois tu vois des petits rappeurs qui débutent ou des petits jeunes et tu leur dis carrément. T'inquiète carrément, ça, ouais, dans les concerts que j'ai fait avec Mauvaise Graine ou même récemment avec Cartel, il y a certains rappeurs qui sont un peu qui sont un peu stressés et tout, mais faut y aller en fait, faut pas avoir peur, faut assumer à fond son personnage et faut pas avoir peur en fait. Ouais. Faut y aller. C'est intéressant ce que tu dis, tu parles de personnages. Ouais. C'est une question que j'avais pas notée. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre le Mehdi de la scène et le Mehdi dans la vie privée? Écoute, je pense pas. Je pense que ce que je fais sur scène se retrouve un peu dans ma vie de tous les jours. Hein. Le fait d'être un peu hyperactif, le fait d'être enjoué, d'être souriant. Je pense que je suis comme ça dans la vie. Faudrait demander à l'un de mes proches. à savoir, mais voilà, je pense que ouais. Ouais, t'as une bonne vibe quand même. Ouais, je pense être quelqu'un de plutôt joyeux. De positif. Ouais. Ouais, ouais. Yes. Alors, quelle est la chanson que tu adores, mais dont tu as vraiment honte? Genre, tu te caches pour l'écouter, tu vois. Je sais pas, Francky, Fruit de la Passion. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, vraiment. Excellent. Si tu pouvais choisir la carrière d'un artiste, ça serait laquelle? Ben alors, je pense que tu as la réponse. Ouais, hein. J'ai la réponse. Voilà, mais à part la fin, juste la fin, je voudrais pas la fin ouais. de sa carrière. Peut-être il va revenir. Et j'espère. Je prie tous les soirs le dieu de la musique pour que Stromae revienne sur scène. Si tu pouvais avoir un seul super pouvoir, lequel choisirais-tu? D'éliminer un super pouvoir. Ouais. J'allais dire d'éliminer la famine dans le monde, mais c'est quoi, c'est un super pouvoir? On peut le considérer comme un super pouvoir? Bah ouais. Voilà, ce serait ça alors. Okay. Que tout le monde mange à sa faim. Ouais. Voilà. C'est bien. Est-ce que tu as déjà chanté, rappé, fait du son pour des assos, par exemple, du coin, des événements pour. Avec Mauvaise Graine, on a fait une paire, je pourrais pas tous te les citer, mais. Mais on a fait pas mal de fêtes de quartier, on a fait pas mal de à Frisson, on a fait qui est un super événement d'ailleurs. Je sais pas s'ils l'ont refait cette année, je crois pas, hein, avec le Covid, il me semble. Là, je crois que malheureusement toute la scène musicale a été un petit peu en stand-by. Et je pense que c'est pareil pour eux. Mm-mm. Ouais. Mais il y a eu ce genre de truc, il y a eu le Festilac. Gros festival organisé par Mustapha du Airplay, d'ailleurs gros big up à lui. Il y a eu plein de choses. On a joué dans tous les bars des Vosges. On a écumé tous les bars des Vosges et de Lorraine. Hein. Ouais. Donc il y a eu plein de choses. Super, c'est bien de s'investir dans. C'est trop bien, c'est trop bien. Moi j'ai adoré ces moments là de partage. C'est surtout ça en fait que j'aime avec la musique, c'est le partage. C'est vraiment partager un message, dire ce qu'on a à dire. Et surtout voir les gens sourire et s'éclater, c'est vraiment le plus important pour moi. C'est génial, très beau message. Si tu animais une émission, ça serait quoi le sujet, le thème? La musique, je pense. Je pense que je ferais comme toi, je recevrais des artistes locaux et je parlerais de leur musique, de leur univers et tout. Ouais. D'ailleurs, franchement, super initiative de ta part. Attends, avec vraiment, grand plaisir. Ça déchire. Ça fait longtemps que je suis sur le coup, tu vois. Yes. Ouais. Mais je l'ai eu. C'est bien, c'est sûr. C'est quoi tes sonorités musicales préférées? C'est quoi les artistes du moment qui te font kiffer là? Je suis beaucoup sur du rap en ce moment. J'aime beaucoup écouter de rap actuel. Ouais. J'aime beaucoup Lefa. Ouais. Donc de la section d'assaut. J'écoute aussi beaucoup de Luxe. J'aime beaucoup le groupe de Luxe. Ah, génial. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore, j'aime bien la funk. J'écoute aussi pas mal de DJ électro. J'écoute Petit Biscuit. J'écoute beaucoup de. J'écoute de tout en fait. Hein. Très vraiment. Éclectique. Ouais, très. Ouais. Carrément. Et ça se ressent quand même dans tes sons. Ouais, je pense. Je me mets pas de barrière en fait. Je me colle pas une étiquette et voilà, ça peut. C'est pour ça que les morceaux sont assez différents des uns des autres, parce que voilà, il y a un morceau guitare, il y a un morceau bounce, enfin voilà, je fais ce que j'aime sur le moment et puis si les autres aiment, c'est le plus important. Mais on aime. Cool. Et puis c'est super important de pas se mettre dans une case, hein, non. Parce que c'est pas ça la musique. Ah, bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non. Moi je vois plein de rappeurs, après ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils se complètent dans ce style-là, c'est cool. Mais je vois beaucoup de petits rappeurs qui s'identifient. Et qui font exactement la même chose, qui prennent exactement le même flow, ça me déçoit un peu parce que on manque d'originalité, je pense. C'est pas dur pour toi de trouver justement de la nouveauté, de te dire j'ai l'impression que je l'ai déjà fait, faut que je fasse autre chose. Si, ça m'arrive très souvent. Ouais. C'est un gros problème, mais je pense que tout artiste a. Hein, ouais. Même je pense au niveau de la peinture, au niveau de tout, hein, au niveau de la poésie, c'est très très dur de se renouveler, de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Donc c'est pour ça que des fois je prends une semaine sans écrire vraiment du tout et après quand j'y retourne je suis bien. Tu te fixes des objectifs des fois, tu te dis à tel moment il faut que j'écrive, faut que j'ai fini d'écrire un son. Pas au niveau des compositions mais au niveau des résultats, je me fixe pas mal de choses. Ouais. J'ai une to-do list et j'ai dans mon portable toujours, j'ai des objectifs trimestriels, annuels. C'est vrai ? Ouais, j'aime bien faire ça. Et c'est quoi les objectifs du moment là ? Si tu peux nous le dire. C'était de clipper, le premier trimestre c'était de clipper au moins 3 clips. Ouais. Donc ce qui a été fait, c'est cool. Après c'est plus au niveau des chiffres, donc des chiffres de vues YouTube, parce que malheureusement ça marche comme ça maintenant, il faut être visible sur YouTube, il faut être visible partout. C'était plus là-dessus. Ok. En parlant de chiffres, là il y en a un gros, hein, presque 30 000 vues. Ouais. Waouh. Cool. C'est le gros carton du moment. Hein. C'est cool, 30 000 vues, ouais, ça va. C'est pas incroyable non plus, mais c'est bien pour un début, je pense, pour un,

comme en français quoi, musique. Ouais. Et voilà, sur Instagram, je suis bien plus actif sur Instagram, même si j'essaye de l'être sur Facebook aussi. Donc Facebook, c'est tout simple, c'est Mehdi, M-E-H-D-Y. De toute façon, normalement, vous devriez voir ma grosse tête en photo de profil. Ouais, c'est génial ce look. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, je ne sais pas si aller sur le live encore, parce que je suis en train de faire un live Instagram à côté. Ouais. Manon, c'est une de mes abonnées qui a fait ce dessin. Elle déchire vraiment, donc gros big up à elle. Elle s'appelle Manon, je saurais plus vous dire l'Instagram, mais voilà. C'est un fan art, voilà. Yes. C'est trop cool. Ouais, c'est pas mal. Ça déchire. Franchement, c'est très très bien. Une chaîne YouTube, bien entendu. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Voilà. Donc Mehdi, tout simplement, M-E-H-D-Y. Ouais. Vous tapez simplement Mehdi sur YouTube et vous aurez tous les morceaux. Super. Voilà. Alors le 1er août, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, sur la scène à Nancy, yes, au Parc de la Cure, pour une session live organisée par Cartel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des prochaines scènes en vue là ? Alors, Cartel m'a parlé d'une date le 24, normalement septembre, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, on y va, c'est parti. Allez. À l'autre canal. Yes. Autre canal, on aura un concert à l'autre canal, ouais. Ça va être trop bien. Tu nous tiens au courant sur les réseaux. Bien sûr, évidemment. Tout est sur les réseaux. Je communique pas mal sur Instagram et beaucoup sur Facebook aussi. Donc voilà, ouais. Y a tout. C'est quoi les actus ? Est-ce qu'il y a des projets là en cours ? Y a le featuring avec Hugo qui va pas tarder, je pense, c'est pour son album. Ouais. Vous êtes encore en train de bosser dessus ou alors ? Non, ça y est, c'est fini. Ah. C'est fini. J'ai envoyé mon couplet il y a 2 jours. Ouais. Donc c'est dans les machines, comme on dit. Et y a un featuring avec Matcha aussi qui va arriver, donc artiste parisienne. Et puis voilà, et puis nous on va continuer avec le chapitre 2. Et ouais. Voilà, on va continuer par ça. On va continuer aussi avec le projet avec Melody Goal qui va être incroyable. Ouais. Donc voilà, stay tuned. Elle va clipper donc pour toi, c'est ça ? Ouais, carrément. Ouais. On a un super projet ensemble. Il faut du son là pour qu'elle vraiment. Il y en aura. Ouais. Ça va aller. Est-ce que tu vas changer un petit peu certaines choses ? Tu vas amener d'autres sonorités dans tes sons ? Sur les morceaux qui arrivent ? Ouais. Non, ça va rester un peu dans les mêmes sonorités que les anciens, mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Je suis jamais à l'abri de sortir un morceau qui n'a rien à voir avec les autres. Ouais. Voilà. Mais non, ça reste un peu dans la même vibes que ceux d'avant. Ouais. Super. Mmh. Yes. Je te remercie vraiment beaucoup, Mehdi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on te souhaite, là ? Eh bien, écoute, réussite. Réussite dans la musique et que je puisse enfin en vivre un jour. Bien sûr, je suis sûre que ça se fera. Yes. Vous retrouverez très, très prochainement le podcast de cette émission sur nos pages Facebook. Elle sera également rediffusée dimanche à 13h pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter en intégralité. On se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous et Mehdi, et ben encore plein de bonnes choses. Merci à toi, Lia. Ouais. Merci pour ton émission. Merci à Radio Gamozo et voilà, et gros bisous à tous ceux qui m'écoutent. À tous ceux qui se reconnaîtront. Et voilà, c'était Mehdi. Yes. Gros big up à toute ton équipe et à tous ceux qui te soutiennent. En tout cas, chapeau. Merci beaucoup. À tout vite. Your neck, the rhyme.